Chapitre 163. Dire du bien ou du mal du mort. 950. D'après Anas, radiallahu anhu, des compagnons passèrent à côté d'un cortège funèbre et firent l'éloge du mort. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit alors, « Cela lui est dû. » Un autre convoi passa et les gens cette fois dirent du mal du décédé. « Cela lui est dû, » répéta le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, demanda, « Qu'est-ce qui leur est dû ?» Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, répondit alors, « Vous avez dit du bien de celui-ci qui ira donc au paradis, et vous avez dit du mal de celui-là qui ira donc en enfer. Vous êtes en effet les témoins d'Allah sur terre. » Al-Bukhari et Muslim. 951. Aboul Aswad rapporte, « Je suis venu à Médine et me suis rendu auprès de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Les gens dirent du bien d'un défunt dont le cortège passa devant nous. Omar ibn al-Khattab dit, « Cela lui est dû. » Ensuite, les mêmes gens firent à nouveau l'éloge d'un mort dont le cortège passa également. Omar répéta, « Cela lui est dû. » Un troisième cortège funèbre passa, mais cette fois les gens dirent du mal du mort. Omar, radiallahu anhu, répéta encore, « Cela lui est dû. » Je demandai, « Ô chef des croyants, qu'est-ce qui leur est dû ?» Il répondit, « J'ai répété ce qu'a dit le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Tout musulman dont quatre personnes disent du bien entrera au paradis. » Nous demandâmes, « Et s'ils ne sont que trois ?» Il répondit, alayhi salatu wassalam, « Même s'ils ne sont que trois. » Nous demandâmes, « S'ils ne sont que deux ?» Il répondit, sallallahu alayhi wa sallam, « Même s'ils ne sont que deux. » Mais nous ne l'avons pas interrogé sur le témoignage d'une seule personne. Al-Bukhari.